Le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple, en date du 25 novembre, a inséré un éditorial révélant que la Corée du Sud a conclu un accord sur la protection des renseignements militaires avec le Japon, bien qu'il soit clair que l'actuel pouvoir sud-coréen qui ne porte que le nom souffrira la pression impétueuse pour des missions, parce que les États-Unis les ont poussés à l'arrière.